España. Hola, yo soy Redito, tu Kto osito cariñoso. Ja. Si, comprendes? Chupa, ja. Chupa. Dziś na gorącej niwie w Łodzi lub dalej spotkałem kiedyś taką lalę. Wygląd supermodelki, zakres słów biednych. Gdy otworzyła usta, mówiła o jednym: jesteś rapstar, daj mi klapsa. Weź mnie do hotelu, a pojadę na maksa. Głupia dziwko, miał cię już prawie każdy. W zeszłym tygodniu też grały tu rap gwiazdy. Chcesz na backstage'u szybki lalipap? Przylansować się, lizam famous smak. To metafora, spukany gołąb. Powiedz mamie, czemu rano usta cię bolą. Zero szans na bounce ze spinaczem. Szanuj siebie i spadaj, ja widzę to inaczej. Chłoniesz wszystko jak bermudzki trójkąt. Grr, grr, grupi, stop, czurko. Quelques mois auparavant, j'kiffe les pigeons. Mais depuis que j'ai ma meuf, je chie sur ses mejons. Groupie de backstage, chat mal rasé. Mascara, petite conne, j'en ai la nausée. Osez s'approcher de Def, pas j'suis à la télé. Superstar, traîne 7h, tu te touches à 20h. Touche à haute, tes jambes écartées, j'te connais par cœur. Salope, tu pourrais attendre toute la nuit pour me sucer. Et dire à tes binko, yo j'sors avec Hérodé. Oh oh, non non, n'aggrave pas ton cas. Car t'as déjà sucé trop de bites de peurin. J'suis peut-être mytho, mais toi t'es nympho. Ton cerveau c'est ton clito, voilà mon info. Super modèle, look artificiel. T'as pas de classe bébé, tu pues comme Coco Chanel. Silicone dans tes mamelles, poupée gonflable. Tes lèvres sur mon sol sont désagréables. Tu mens comme tu respires, te la joue en starlette. Première à se faire enculer par un mec en corvette. Tu pues, t'es sale, cherche-toi une autre gamelle. T'es qu'un pigeon salope, ta place c'est la poubelle. Hey muchacha, chupamela Berga, Europe my pipi, Arabia teta, I love ya teta, Europe my pipi. Trrr, trrr, grupi. Ej muchacha, chupame la berga. Europe my pipi, Arabia teta, I love ya teta, you like my pipi. Use grupi. J'ai niqué des mannequins, des meufs de toute race. New York, London, même des putes en Alsace. Des meufs de 17 ans, des mamans trop chaudes. Des orgies de minuit qui duraient jusqu'à l'aube. Des boricuas, chupame la berga. Même une allemande qui s'appelait Helga. Les italiennes sont des chiennes, les norvégiennes aussi. Les françaises, quant à elles, te donnent tout de suite la peau. Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai le redeem. Car dans le cul, playboy, j'ai le sale clean. Et je hais les meufs froides comme la Suisse. Qui après deux semaines te donne juste un kiss. Donne-le à Tarkan, ici c'est red. Tu connais mon AKA, Mr. Wicked in a bed. Donne-le à Tarkan, ici c'est red. Red, red, Mr. Wicked in bed. Hey muchacha, chupame la berga. Europe my pipi, Arabia teta, I love ya teta, you like my pipi. Chupame la berga. Grupi, ey muchacha, chupame la berga. Europe my pipi, Arabia teta, I love ya teta, you like my pipi. Grupi. Ja pocałuj mnie w Snoopy. Yeah, ziom spina, ziom oko. Aj, Reggie Nets, yo. Ja wol, yeah. El cojones. Grupi. Playa señorita. Grupi. Live a mark on your kitty. Yeah. I'm from Warsaw. Yeah. I am from Warsaw, Praga. Muchacha, chupame la perga. Yo.